Hello Sophie. Salut Marcus, et puis bonne année à tout le monde, puisque nous c'est notre prise au niveau de Jukebox. Hein, oui, oui. Voilà, bon, c'est la première de l'année, on a un peu séché il y a 15 jours. Oui, ça tombait le 2 janvier. Voilà, ouais, voilà, c'est ça, on s'est dit, allez. Hein. On est excusé. On s'est excusé auprès de nous-mêmes, c'est déjà pas mal. Bon, on vous souhaite tout plein de bonnes choses, agréables et merveilleuses, et on va démarrer avec un peu de musique. Phil n'est pas tout à fait arrivé, mais a priori, il n'est pas loin. Il n'est pas loin, c'est bon. Donc, il va nous rejoindre tout à l'heure. Et moi, je vais attaquer, tout simplement, avec le trio Joubran. Alors, je vous en ai déjà parlé, c'est trois frères palestiniens qui jouent tous les trois du Oud. Mais je vais vous en repasser un morceau ce soir, parce qu'ils sont dans les Vosges, à la Rotonde de Taon, mardi prochain. Et là, ils seront accompagnés de trois autres musiciens. Il y aura percussion et violoncelle. Voilà, donc ce sera le trio Joubran Sextet. Donc le morceau que j'ai choisi, je n'ai pas pris le plus long qui dure le plus long. Je crois que c'est 15 minutes. Un morceau de 15 minutes là-dedans. Non, celui-là, il ne dure à peine 5 minutes. Et il s'appelle Sama Cordoba. Thank you. Bon, bah, c'est plutôt sympa cette affaire, non ? Très bien, excellent. Hein, c'est excellent. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait pour la suite ? C'est toi qui as trouvé quelque chose ou... C'est parce qu'on parlait d'autre chose, nous, entre nous, quand on n'est pas à l'antenne. Alors après, moi, je perds le fil. Je vous en ai déjà passé, mais il y a longtemps. C'est Aziza Mustapha Zadeh. Voilà, grande chanteuse qui fait des belles choses. On est plus proche du jazz, mais c'est très bien tout de même. Alors, le morceau s'appelle « Sunny Rain ». Et voilà, c'était donc Aziza Mustafazadeh. On discutait bien. Oui, bah bonsoir, ça y est, je suis arrivé. Bonjour Phil, ça y est, il a trouvé le chemin, il a failli se perdre. Ouais, ouais, en fait, je suis parti dans la mauvaise direction. Quand on a des habitudes comme ça... T'allais au boulot? Non, ça fait longtemps que tu travailles plus, je te signale. Mais si, je travaille encore. Je suis allé à la manif. Il travaille du chapeau. Non, mais maintenant j'y vais tout. À la manif, donc je connais la route. Tu travailles pour nos retraites? Pour Épinal, mais c'est pas ma route pour Remiremont, la route pour Épinal. Donc d'accord. Voilà. Ah oui, d'accord, tous les jours voilà. Tu vas à la manif, mais il n'y en a pas tous les jours, tu sais. Non, mais toutes les semaines, j'ai dit, toutes les semaines. Donc c'est ton tour de proposer... Je manifeste pour vous. C'était bien, c'était John McLaughlin, non? C'était... Aziza Mustafazadeh. Ah. Qui chante bien, mais là c'est un instrumental, mais qui joue bien du piano aussi. Ah, bien, bien. Ah, c'était bien. Hein. Ah ouais, je croyais que c'était de la guitare, mais... Il y a de la guitare, mais elle joue du piano. D'accord. Bon, je ne ferai pas de blagues vaseuses. On continue avec Elliot Murphy. Je préfère pas savoir. On lui demandera pas. Les auditeurs, nous vous interdisons de téléphoner pour demander quelle blague vaseuse Phil veut les faire. Mais c'est quand même au 0329 62 40 40. Elle jouait du piano. Elle jouait du piano debout. Voilà. Ouais, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est pas moi. Bon, alors, c'est un morceau d'Eliot Murphy, extrait d'un de ses derniers albums, 2017, Chelsea Boots. Mm-hmm. Je l'ai vu en concert, une bonne pêche. Oh! ben voilà, que ça fait du bien par où que ça passe. Oh là là, ça résonne un peu. Ouais. Oui, ça résonne plus. Ça voilà, merci bien. Ben, je crois que c'est à moi. Un petit tom petit. Je t'ai donné quelque chose, je ne sais même plus où j'en suis. Oui, Tom T. Hall. Je t'ai donné un petit Tom T. Hall, effectivement, qui est un songwriter américain, toujours vivant, né en 36. Et bon, j'aime bien comment il chante, vous allez voir, c'est sympathique. Ça s'appelle That's How I Got to Memphis. If you love somebody enough, you'll follow wherever they go. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. If you love somebody enough, you'll go where your heart wants to go. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. I know if you've seen her, you tell me, 'cause you are my friend. I've got to find her and find out the trouble she's in. If you tell me that she's not here, I'll follow the trail of her tears. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. She would get mad and she used to say that she'd come back to Memphis someday. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. I haven't eaten a bite or slept for 3 days and nights. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. Well, I've got to find her and tell precious time. Forgive me if I start to cry. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. La balade de Tom T. Hall. Oui, sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis. Balade avec deux L et balade avec un L. Les deux. Ah. Une balade en balade. Oui. Voilà, voilà. Alors, à toi, Marcus. Oui, puisque vous ne m'avez rien donné. On aime bien t'entendre aussi, toi. Alors, j'en avais passé il y a 15 jours. Non, enfin, il y a un mois, pardon, puisqu'on en avait 15 jours. On avait passé. C'est Brian Keith Whelan, gars tout seul à la gratte, mais qui vaut des points. Alors tout de suite, on laisse parler le musicien David Blues. Super. Rise and come and say amen. Evil coming up around the bend. I see lightning flashing in the sky, and I'm feeling like it's my time to die. And gotta keep on moving, 'cause that devil's coming up behind. My must be living in trouble town, cause I've seen nothing but hell around. I got wicked wind blowing hot from the south, and I got spirits lurking up inside my house. Gotta keep on moving, cause that devil's coming up behind. Soul's not taking calls. Better men than you have been forsaken. And you gotta keep on moving, cause that devil's coming up behind. Gotta keep on moving, cause that devil's coming up behind. Yeah, gotta keep on moving, cause that devil's coming up behind. Gotta keep on moving, cause that devil's coming up behind. Ah ben, plus court que prévu. Bien, ça, hein. Ouais. Mais quand même bien très par bien. Où ça passe. Brian Keith Wallen. Eh ben, je suis content parce que j'ai redécouvert grâce à la discothèque de Gemozo. C'est moi qui l'avais sélectionné, mais j'avais complètement oublié l'artiste. Et quand j'ai redécouvert ça, mais c'est bon ça. Bah oui. C'est bien, ah ouais, ça, c'est du bon blues. Voilà. Donc je connais pas la suite. La suite, c'est donc. On va attendre un peu. C'est donc The North Mississippi All-Star. Hein? Ah oui, parce que c'était marqué. And Anders Osborne. NMO, alors. L'album s'appelle Freedom and Dreams et le morceau s'appelle Katrina. Rêve et liberté, c'est pas mal ça. Oui. First time I met you, you blew me away. And even though you're gone to stay. Yeah, your memory lingers on. Why you had to do me so wrong? Talk about wrecking a perfectly happy home. You got some kind of nerve, girl, to come on that strong. You know damn well, oh, I never, never asked you to come along. You pulled me. What have you done? Oh, my sweet Crescent City, it's almost gone since you came along. Babe, I just can't go home. C'est brut, hein. Oui, je trouve que franchement, la première demi-heure, on fait diesel. Là, c'est vraiment trop calme. Ah bah tu vas nous sortir quelque allez-y, chose. Allez-y, mais oui, le prochain que je mets, ça va déménager. Tu vas quoi nous mettre Je sais pas encore. Non, c'est pas moi là. Pour l'instant, c'est pas moi. Non, pour l'instant, c'est moi. Oui. Mais ce sera toi après. Donc t'as le temps d'y réfléchir. C'est bien. Eh ben moi, je vais vous mettre Kadjanine. Hein, c'est une femme qui est née, qui a grandi au Burundi. Et je ne sais pas si je ne vous l'ai pas déjà passé, mais bon, ce n'est pas grave. C'est, elle chante Sina Mali, Sina Deni, en fait, Free, quoi. Free de Stevie Wonder. Je ne suis pas sûre. Je ne sais pas si je voulais passer ou pas, mais enfin bref, en tout cas, ça me plaît beaucoup. I'm free, come on, magic, nothing but Alors. Ah bah bien. Une belle interprétation, hein, ça. Oui. Ah oui, ça change. Hein. Ah ouais. Elle a une belle pêche, chante bien. Non, j'aime beaucoup ça. L'autre jour, je roulais là et je l'ai mis au moins 4 fois de suite dans la bagnole et je chantais à tue-tête en même temps. Mais on respecte quand même la version de Stevie Wonder. On n'est pas loin, quoi. Je veux dire, l'interprétation est bien, mais... Non, elle est... Oui, t'as des variations, et puis elle a écrit des choses dans sa propre langue, et puis les chœurs derrière sont superbes, enfin, puis elle a une belle voix, enfin, c'est... Ah oui. Voilà, donc son petit nom, parce qu'elle a fait plein d'autres très belles choses, elle s'appelle Kaja Nin, et puis... En fait, elle vit en France. Hein. C'est la chaîne de télévision française TF1 qui a choisi une de ses chansons pour promouvoir la chaîne. Et finalement, ça a été le déclic de sa renommée à travers toute l'Europe. Donc ça, c'était en 96. Voilà. Mmh. Alors, pour elle. Moi, je vais faire encore plus vieux. Aerosmith, qui avait fait dans les années, je ne sais plus quoi, 75, hein, dans les coins-là. Walk With You. Eh ben, je vous propose une version à peine plus récente, 85-10 ans après, qui a été reprise avec Aerosmith, mais surtout avec Run DMC. Honnêtement, ça change pas énormément de choses. C'est péchu ? Oh ben, ça remue un peu plus. We'll be right back. Eh oui, ça se termine comme ça. Ah, brusquement, comme ça. Ploc, ouais. Ploc. Ouais, c'est péchu, hein. J'aime bien les riffs de guitare. Là. Ah bah, Aerosmith, oui, ça déménageait quand même pas mal. Ouais, c'est bien. Alors c'est bien, Aerosmith. C'est... Aerosmith. Ouais. Monsieur Smith. Sans oublier quand même Run DMC. Ouais. Là, on va écouter du... C'est pas du zouk, hein. C'est pas du zouk, c'est du compé haïtien, en fait, avec Tabou Kombo. Alors, Tabou Kombo, pour les plus anciens, c'est un groupe qui a trusté les hit-parades avec un morceau qui s'appelle New York City. Quand ça arrivait dans les années 70, personne n'avait jamais entendu ça. Un mélange de musique des îles et de musique africaine, bien avant que les musiques africaines soient connues et bien avant que le zouk ait émergé en Martinique. Alors c'est un mélange assez détonnant. Et là, c'est un morceau qui est extrait des 30 ans du groupe. Un concert mémorable au Zénith en 98. Voilà, c'est pour changer un peu. Alors, pour préciser, c'est tous d'excellents musiciens. Il n'y a pas une boîte à rythme. Enfin, il y a rien. Mais c'est du cousu humain. C'est du cousu humain, quoi. C'est vraiment du cousu humain. Alors, on y va. On peut y aller, ça démarre. De folie, c'est ça presque tout mon âme chargé dans la vie. Une belle harmonie qui fait oublier toute quelle idée qu'a fait passer. Musique c'est passion, musique c'est frisson, c'est plus belle bagaille que nous gagnons pour nous rêver. Et ça t'a tombé, et ça t'a chanté, mais tout le monde n'a pas apprécié. Sans ou pas gazelle, les font penser, les font crier, font voyager. Qu'est-ce qu'a tenté, qu'est-ce qu'a chanté, mais tout le monde n'a pas apprécié. Son musique nous c'est son laria. Son musique nous c'est son laria. Son musique nous c'est son laria. Son musique nous est son aria. Son musique nous est son aria. Son musique nous est son aria. Oui, ça fait quand même un peu zouk. Hein. Ça sent les îles, ça manque de rhum. Bon, c'est un enregistrement un peu bizarre. Les meilleurs morceaux durent 12-10 minutes. Voilà, mais bon, on n'a fait que 6 minutes là, ça va. Ça va. Ouais, format radio. Format radio. Et alors, puis, on va écouter un petit... Eh bien, écoute, je vous ai fait écouter Eric Bibb il y a quelque temps, il y a peut-être un mois de ça, et qui est donc un chanteur de blues, qui est basé à Londres. Il est d'origine américaine. Son père était un chanteur de folk vivant à Vancouver. Et là, c'est un peu particulier, parce que c'est encore tiré d'un petit Les Putumayo. Et en fait, il est surtout blues, un peu folk, mais il utilise aussi pas mal la musique africaine, antillaise, etc. Et là, il a convié son ami jamaïcain Desmond Foster pour l'aider à donner à cette chanson de charmants accents reggae. Et au tout début de la chanson, vous pouvez entendre une petite fille qui débute le morceau, qui s'appelle Mathilda et qui est la fille d'Eric Bibb. Voilà, donc le morceau s'appelle Turning World, et la prochaine fois que vous aurez envie de pleurer, vous songerez aux paroles de cette chanson. Pendant que le monde continue de tourner, il faut que tu continues d'aimer et laisse tous ces tracas inutiles loin derrière toi. Oh, et aussi, sois gentil envers tes amis et ta famille. As this world is turning, gotta keep on loving, and leave all this useless suffering. As this world is turning, it's really looking uneasy and crazy. All of the above, still honey, one sure thing I can count on is your love. just called the evening news. Tragedies and scandals, every nation got the blues. What to do as this world is turning? Got to keep on loving and leave all this useless suffering. Neighbors not so easy. Sometimes I got to keep on trying. Keep trying. Honey, I'm so thankful your love is mine. Let it shine. As this world is turning, we got to keep on loving and leave all this useless suffering. Voilà, c'est un petit reggae sympathique. Ouais, par un joueur de blues. Comme on aime. C'est bien. Ouais, il est bon ce petit reggae-là. Bon, alors ensuite. Et ben on passe. C'est Marcus qui propose? Non, vas-y, je t'en prie. Alors, on passe à Amy Space. Alors, Amy Space, c'est quelqu'un qui m'avait demandé plusieurs fois de la faire tourner. Puis, j'avais pas le temps, j'avais écouté vaguement, il n'y avait pas de bonnes vidéos. Et en fait, c'est une artiste canadienne qui a été découverte en 2006 par Judy Collins au fond d'un bar au Canada ou aux États-Unis. Judy Collins l'a fait immédiatement signer sur son label, a enregistré deux de ses chansons. Mais Miss Space n'est pas la première venue, puisqu'auparavant elle était actrice tragédienne et metteur en scène au sein de la National Shakespeare Company, qui est à peu près l'équivalent... qui est basé à New York, qui est aux États-Unis, en Amérique du Nord, ça correspond un peu à la Comédie française. D'accord. Donc quelqu'un qui avait déjà une certaine maîtrise de l'interprétation, quoi. Donc elle a réutilisé ça dans sa carrière. Et puis donc ça fait très peu de temps qu'elle joue ou qu'elle chante. Hein. Aujourd'hui elle a 50 ans, donc elle a dû commencer à 36 ans ou quelque chose comme ça, 34 ans. Et elle a tout abandonné pour se consacrer à la chanson. Et petit à petit, elle a fait son chemin, bon, des nominations à des différents awards, etc. Elle a gagné en maturité musicale, bien que son dernier album est assez très, très, très doux et très, très... pas mou, mais... plat. Très intimiste, non. Parce qu'à ce moment-là, elle était enceinte par procréation in vitro à cause de son grand âge, quoi. Donc elle a toute une histoire derrière elle a été alcoolique, elle a arrêté, enfin c'est une espèce de de rédemption, mais elle a une voix assez fascinante. Et le morceau qu'on va écouter est un morceau live, extrait de son dernier album, qui sonne un peu plus, je trouve. Et le morceau s'appelle... Grace of God. Grace of God, oui. Fallen, been broken, battered and shamed with a sorrow unspoken and sins I can't name in a dark I won't forget. No light left to see. I've had demons I chased down the end of my clinging to hope, nowhere to go, but down on my knees. But for the grace of God, go on. When there's no sacred, the point of profane, I have hung on to hatred, fueled by the flame of a self-righteous truth, just a virtuous lie. I've been the lover who's sneaking away from the crime and the gossip, reporting every secret but mine, thinking I had the answer, only to find. Been here before, dragging my scars, only to follow, dragging my heart, weakened and wounded, worn down by the weight. Now I don't know much, but I know this, you just gotta keep dragging your way through this shit, and it's hard to get through, but you don't have to do it alone. But for the grace of God, go on. Voilà, comme on n'a pas fait d'émission spéciale Noël, c'était la chanson de Noël, comme dit Marcus. Oui. Bon, les paroles ne parlent pas trop de Noël quand même. Ouais, ça parle de Dieu, quoi. Pas trop de... Oui, mais pas dans le sens où tu l'entends. Ben, Grace of God, il n'y a pas trop... Oui, oui, oui, mais... Il n'y a pas trop photo quand même. C'est pas ce qu'elle dit, justement. C'est du second degré. Ouais. Bon, puis, rendons grâce à Satan. Oui. Satan, bon, comme dirait l'autre. Oui, on passe à quelque chose d'un peu plus péchu, Marcus. Ouais. Mais pendant que j'y pense, je fais juste une petite dédicace à Anna et Jean-Claude qui doivent nous écouter d'Ardèche. Donc il n'y a pas de problème. Un petit salut, merci, à bientôt. Voilà, on arrête les chants de Noël et on va passer au chat errant, autrement dit Stray Cats, avec un morceau qui s'appelle Stray Cats Strut. Ça ne s'invente pas. Mais ça va faire du bien. Yes. With my tail in the air. Stray cat strut, I'm a ladies' cat. I'm a feeling Casanova. Hey, man, that's that. Get a shoe thrown at me from a mean old man. Get my dinner from a garbage can. Eh ben moi je dis que ça fait du bien. Bon ouais, exactement. Attends, tu veux pas baisser un peu? J'ai le bras trop court, merci. J'aime pas quand ça résonne. Eh ben moi je vais vous faire écouter du Nick Cave, qui est donc un rocker... australien, Nick Cave and the Bad Seeds, donc avec son groupe. C'est un groupe qui a été fondé en 83, qui a régulièrement changé de membres divers et variés. Le disque là, c'est Nocturama, c'est un disque qui est sorti en 2003, et puis le dernier, c'est 2019, donc voilà, il tourne toujours, c'est bien agréable. Le morceau s'appelle Wonderful Life. Come in, babe. Cross these purple fields. The sun has sunk behind you. And across these purple fields, that idiot boy in the corner is speaking deviated truth. Come on a minute, babe. It's a wonderful life if you can find it. Come in to this world. it's a wonderful, wonderful thing. It's a wonderful life. It's a Wonder Woman. Eh, ouais, mais il a ses fans. Hein, c'est comme comment il s'appelle Murat. Mm. Oui. Murat, il a ses voilà. C'est des gens qui ont une jolie brochette de fans qui sont pas forcément agréables à l'oreille, mais les fans non, qui ont un univers, non, les fans toujours. Ouais. J'ai retrouvé en partant, là, en prenant la poignée de disques, mon album fétiche, qui est un tribute à Graham Parsons. D'accord. Alors, pour rappel, Graham Parsons, c'est un songwriter qui a viré au country rock dans les années 60. Au milieu des années 60, notamment avec The Birds, The Flying Burrito Brothers, The International Submarine Band, et aussi, enfin, d'autres encore, et qui est décédé en 1973 à 26 ans d'une overdose, voilà, et qui a eu le temps quand même d'écrire un paquet de jolis trucs et qui sont complètement assez délirant, c'est une compilation donc avec une belle brochette d'interprètes comme les Pretenders, Emilio Harris, Cowboy Junkie, The Mavericks, Chris Hillman, Steve Earle, etc., etc., Sheryl Crow, que du beau monde. Voilà, Wilco, Gillian Welch, bon, et d'autres. C'est le seul album de reprise officielle, c'est-à-dire qui a été accrédité par l'ancien producteur de Graham Parsons, et puis je ne parle pas des musiciens qui interviennent dessus encore. Ça. Donc le morceau qu'on va écouter s'appelle Return of the Grievous Angel par Lucinda Williams et David Crosby. D'accord, excusez voilà. Du peu. Won't you scratch my edge, sweet Annie Rich, and welcome me back to town. Come out on your porch, step into your parlor, I tell you how it all went down. Out with the truckers and the kickers and the cowboy angels. The good saloon, every single town. I remember something you once told me. Across that river bridge, last night at 2:30. Switch my waved his lantern, goodbye and good day. Talked about unbuckling that old Bible belt and lit up for some desert town. Out with the truckers and the kickers and the cowboy angels. J'adore ça, moi. J'adore ce morceau, je ne sais pas pourquoi. Mais... Marc est complètement désabusé. Je ne cherche plus à trouver des excuses. Voilà, écoute, moi je trouve que, voilà. Bon, oui. Moi je trouve que ça manque un peu de voix tout ça. Eh ouais, mais tu sais, le tabac, l'alcool... On va vous foutre une... Et d'autres substances nocives ne permettent pas... forcément d'avoir beaucoup de voix. Hein. Une voix énormément rauque que vous allez reconnaître, j'espère. Allez, je vous laisse la surprise. Le morceau s'appelle... C'est un belge. Ça s'appelle Filipino Box Spring Hog. Allez, c'est parti. J'espère que vous reconnaîtrez. With the soldiers' glee, get a rum so quick and a big fat laugh. I spend my last dollar on thee. I saw Bill Bones, I gave him a yell. Keyhole spiked and all, with a chain link fence and a scrap iron jaw, cooking up a Filipino box spring hog. Cooking up a Filipino box spring hog. Up a Filipino box spring hog. Spider rolled in from a Hollister burn on a one-eyed stolen mare. Donned himself with a chicken fat, sawn on a jawbone violin there. A Kathleen was sitting down in a little red recovery row in a criminal rumberware bra. I was naked to the waist with my fierce black hound. And I'm cooking up a Filipino box spring hog. Cooking up a Filipino box spring hog. Cooking up a Filipino box spring hog. Dig a big pit in a dead alley road. Fill it with my drone and bay. Stinks like hell and the neighbors complain. Give a who what they say. Gotta slap that hog. Roll him over twice. Gotta baste him with a sweeping broom. You gotta swap them fries and chain up the dog. Cooking up a Filipino box spring hog. Cooking up a Filipino box spring hog. Cooking up a Filipino box spring hog. Round steak bacano with grape sandwich. Old brown patty with a yellow wig. Taint the mince meat filigree. Don't she made them a special for you? Worst one, a prize for a bottom black pie. The bees got thrown to the dogs. Jahizia's crying, I can always make room. Cooking up a Filipino box spring hog. Cooking up a Filipino box spring hog. Cooking up a Filipino box spring hog. Cooking up a Filipino box spring hog. Et ben voilà, ça se termine comme ça. Donc j'espère que vous avez reconnu Tom Waits. C'est un peu grinçant, oui, j'ai un peu de mal avec Tom Waits. J'ai reconnu, moi. T'as vu ? J'ai reconnu, j'ai reconnu. Bon. Je suis fort. Hein. Alors là, la transition va être un peu lourde, mais bon, tant pis. Moi, je vous emmène au Brésil avec Lucas Santana, qui est originaire de Bahia et qui est un bon flûtiste. Voilà, donc moi, c'est le côté balade, flûte, tout ça qui m'a plu. Bon, ben, on verra bien. Après Tom Waits, ça va être goulayant. Hein. J'aimerais bien que tu me dises le numéro du morceau, s'il te plaît. C'est le numéro 10 et il s'appelle Mensagem de Amor. Voilà, c'est le message d'amour. Car les livres sur l'étagère n'ont plus d'importance, car de tout ce que j'ai lu et du peu que j'ai pu apprendre, il ne reste rien que le désir de te revoir. Ça nous change de Tom Waits. Well, father says it, mother says it, sister says it, brother says it, uncle says it, auntie says it, everyone at the party, baby, I'm on fire. Yeah, babe, I'm on fire. Well, the horse says it, pig says it, church in his wig says it, fox and the rabbit and the nun in her habit, baby, I'm on fire. Says the slacker and the worker and the girl and the burger, I'm on fire. Yeah, babe, I'm on fire. Yeah, the general with his tank says it, the man at the bank says it, the soldier with his ruckus and the mouse in my pocket, babe, I'm on fire. With a needle in his neck, says a drunk, says a punk, says a brave for this man, I'm on fire. Well, babe, I'm on fire. All right now, hit me up, baby, and knock me down. Drop what you're doing and come around. We can't hold hands till the sun goes down, 'cause I know that you and I can be. Bon, il y a eu comme une petite erreur. En fait, c'était le disque précédent de Nick Cave, le dernier morceau. Et bon, comme il dure 14 minutes, ben, on va quand même réellement passer ce que pas je comptais vous passer avec un joli petit air de flûte. Ah ben, c'est les joies du direct. Hein. Absolument. Voilà. Deux petites secondes et ça arrive, oui, le temps qu'ils se mettent en route. Oui. Donc, Lucas Santana, qui est de Bahia, au Brésil. Ouais. Livros na estante já não tem mais tanta importância. pouco que eu sei, nada me resta a não ser a vontade de te encontrar. Motivo eu já nem sei, nem que seja só para estar ao seu lado, só para ler no seu rosto uma mensagem de amor. Na estante já não tem mais tanta importância. Do muito que eu li, do pouco que eu sei, nada me resta a não ser a vontade de te encontrar. O motivo eu já nem sei, nem que seja só para estar ao seu lado, só pra ler no seu rosto uma mensagem de amor. Uma mensagem de amor. Eu me deito, então escuto a mensagem no ar, vagando entre os astros, nada me move, nem me faz parar, a não ser a vontade de te encontrar. O motivo eu já nem sei, nem que seja só para estar ao seu lado, só pra ler no seu rosto uma mensagem de amor. Uma mensagem de amor. Uma mensagem de amor. Uma mensagem de amor. Uma mensagem de amor. Ceci dit, même en passant le bon morceau, on n'a pas eu la flûte. Hein. Non, effectivement. C'est bizarre parce que moi je l'ai écouté à la maison, il y avait de la flûte. C'est un problème là. Ouais, tu joues de la flûte. Et c'est bien un flûtiste hein, en plus. Tu joues de la flûte. Bah, ouais. Hein. Étrange. Ils tout ont ça. Supprimé la piste de la flûte. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Non, mais il y a des trucs bizarres. Hein. Chercher la flûte. Ah ouais, chercher l'erreur. Bon, on a eu une jolie petite balade. Voilà. Ah là là. Alors on enchaîne avec qui et quoi ? Mister Philippe, vous non. êtes où là ? Si, si. Vous êtes avec si, nous si. C'est moi ? Ah oui, tu m'as filé. Ah oui, oui, oui, je t'ai dit la 9, hein, c'est oui, ça. Oui, c'est bien ça. Alors oui, bah, c'est oh, la famille suit, hein. Schmitt, Dorado Schmitt. C'est nous, la famille Schmitt. La famille Schmitt. Ouais, donc... c'est... Donc ah, c'est mon pauvre Marc, c'est à bien de la patience. Hein. L'album s'appelle Family, un album de... Heureusement qu'on a un bon technicien qui suit bien, parce que nous, on est un peu à la ramasse. Dorado Schmitt. Donc... Théorème de Schmitt. Oui, et l'album s'appelle Family. Donc ben c'est voilà. La famille. C'est bien donc, la famille Schmitt. La famille Schmitt avec Ono Winterstein, Brady Winterstein, Bronson Schmitt, Samson Schmitt. C'est tous des Stéphane. Alsaciens. Oui, oui, bah c'est les Alsaciens, là. La famille Schmitt. La famille Schmitt, voilà, il chante en alsacien. Non, c'est de l'excellent jazz manouche. D'ailleurs, il y a du jazz manouche. Je me demande si c'est pas Brady Winterstein et Samson Schmitt qui sont à Microclimat, au studio Microclimat Épinal, le 15 ou le 22 février, je ne sais plus, dans ces eaux-là. Enfin, en février, prochainement, dans les deux prochains mois. C'est ça que tu voulais regarder sur Internet avant. Voilà. Bon. Donc, le morceau que nous allons écouter, c'est Samsung. Et ben voilà, un petit peu de manouche. On continue dans la même veine, a priori. Oui. Avec Gadjo Combo, avec le guitariste Marc Joubert, qui a fait pas mal d'années au service du rock'n'roll, et puis qui ensuite a évolué plutôt vers le manouche. A priori, le groupe-là, Gadjo Combo, a sorti en dernier CD en 2014. C'est pas encore si vieux. Et donc le morceau que je vous ai choisi s'appelle Swing Blues, écrit par Marc Joubert. Thank you. Oui, oui, oui, c'est bien le manouche. Hein. Oui, moi, j'aime bien. Oui, oui, c'est bien. C'est bien. Tu vas nous proposer du manouche, Marcus ? Oui, pas vraiment. Version rock ? Pas vraiment, ouais, non, c'est du slave, on va être clair, c'est du slave. Slave, c'est ouais, un petit peu énervé, mais comme j'ai, le CD me pose quelques problèmes, j'ai pas vraiment eu le choix des morceaux. D'accord. Donc on va mettre le dernier, parce qu'il veut bien, on va mettre le dernier morceau, et puis voilà. Costa Rica. Ouais. Sačirikljo, ljubav džilabe, muri džilabe, samo za tu te. U ašu čelači šukarđili, samo za mende, voja džilabe. Ah, jesi bu, minja bila kriva, da ta pisica julje cijela ja. Me hutava obu na to more, Et ben voilà, c'était Costa Rica, No Smoking Orchestra. Ouais, j'aime bien moi. C'est bien. Ah ouais, ouais, j'adore Costa Rica, c'est excellent. Bien. Entre autres, bah, pour ceux qui ont vu le film, Chat Noir, Chat Blanc, ce morceau-là était dans Chat Noir, Chat Blanc. Ah ouais, c'est Les Stray Cats. Il est très chat ce soir. Comment va ton chat, Marcus? Oui, j'en ai entendu une bonne l'autre jour. C'était Michel Onfray qui disait à la télé que si on invitait que les gens qui avaient le plus de connexion, le plus de likes sur Facebook, qui avaient des millions et des millions de likes sur Facebook, on n'aurait que des chats invités dans les émissions de télé. C'est excellent. Ben, au moins, ça serait bien. Ah, ça serait calme. Ah oui. D'ailleurs, ils vont faire une télé pour chats. Ça, une télé à chats, ça existe. Je ne sais pas ce qu'en pensent les Flatlanders. Hein, les Flatlanders. C'est donc, pas les Catlanders. Non. Donc, les Flatlanders, c'est... ces trois légendes du songwriting américain, Jimmy Dale Gilmore, Butch Hancock et Joe Ely. Voilà. Et le morceau que nous allons écouter s'appelle After the Storm. Mm-hmm. Cool, hein. Oui, c'est encore très cool. Enfin, on fait beaucoup dans le cool, finalement. Ouais, bah, y a des jours comme ça. Hein. Et alors, je crois que c'est à mon tour. Hein. C'est ça, vous confirmez, les gars? C'est bien ça. Il y a Phil qui est en pleine séance de panique, là, parce qu'Internet marche plus sur son téléphone, alors il n'est plus du tout dans l'émission. Reviens avec nous, Phil. Ouais. Mais que fait Orange? Mais donc, il ne peut pas consulter ses mails tout en faisant l'émission de radio. Il ne peut pas contacter ses nombreux artistes qui sillonnent le monde. Exactement. Il faut travailler en décalage avec les États-Unis. Il y a 6h à 7h, 8h de décalage. Oui, bah là, il dort, fleur la paix. Non, pas justement. C'est dans l'autre sens. C'est le plein après-midi. Midi. Absolument. Alors bon, moi je vais vous passer un petit coup de Latin Jazz avec un joueur de congas, Ray Barreto, qui est un Américain, mais il s'est mis à jouer des congas alors qu'il était en affectation militaire en Allemagne, donc je ne cherchais pas. C'est comme ça. Il est de New York, cet homme-là, donc il a fréquenté tout un tas de groupes de jazz. Et pour finir, le groupe de Tito Puente. Voilà. Et puis, en fait, il est décédé en 2006 à l'âge de 77 ans. Donc, ce n'est pas un petit jeune homme. Bon, le morceau s'appelle « Summertime ». Et ben voilà, à l'instant, Ray Barreto, donc, il nous reste à peine le temps d'écouter un dernier morceau. Alors ça n'a rien à voir avec le restant de l'émission, c'est pour vous souhaiter une bonne nuit, ce sera Pierre Vassiliou avec un morceau quand même assez rigolo. Merci. Mmh. C'est doux, c'est doux. Je suis pas doux, je suis des Antilles. Des Antilles. Tu me dis, tu es doux. Ben, je suis des Antilles. C'est vrai. C'est vrai que t'es gentil. Des fois, oui. Ça, c'est une vieille blague. Je dis ça parce que... Femme à la vanille. J'en ai plein les babines. Ah oui. Ah oui. Embrasse-moi le... Le... Enfin... C'est super. C'est super. Et change pas de moustache, surtout. La détresse nous rend fort. Ainsi que la nuit. Comme l'a dit mon grand-père. Bon, à nous maintenant. Chocolat, fraises, abricots. Qu'est-ce que tu préfères? Voyons. La fraise. C'est à toi. C'est à toi tout ça. Bah quoi? C'est mes petits parapluies. Ce soir, quand je t'ai vu dans la boîte, qui me visait avec tes yeux, qui sourit tout le temps, je me suis dit... Ouf, ma petite chatte, le vent se lève. La mer monte. Y a pas qu'elle. Va falloir se couvrir. Donne. Laisse-moi faire. Je vais te le mettre. Tu vas... Je rêve. Ça en attendant, ça t'occupera. Oui, tu vas voir comment je vais m'occuper. Moi. Qu'est-ce qu'ils écrivent? Où ça? Bah, sur la notice. Attends. Ouf. Écoute, arrête, je peux pas lire. Le préservatif est mis en place sur le sexe en... érection. Eh oui, jusque-là, c'est cool. Voyons. Pincez le bout avec les doigts pour chasser l'air. Ça baigne. Et puis? Déroulez-le aussi loin que possible sur le... Comme ça, c'est bon là? Pas mal la fraise. Écoute. C'est toujours délicieux, l'amour. C'est rien, tu sais, de mettre ce petit truc autour. Et ben voilà. Il ne reste plus qu'à souhaiter une excellente nuit française à tout le monde. Oui, oui, oui. Donc on se retrouve le 30 janvier. Absolument, on prend les mêmes. T'es là, Philippe? Oui, la semaine dans 15 jours, oui. Très bien, moi aussi. Et rediffusion ben, voilà. Mardi 16h et samedi minuit. Samedi toujours. Minuit, toujours, voilà. Oui. Et ben, restez fidèles au 107. Pas de problème. Oui, pas de souci. Allez, bonsoir Marcus, bonsoir Sophie. Bonsoir Philippe, bonsoir Marcus et bonsoir les auditeurs. Ouais, ouais, ouais. Et à la prochaine. Et à la prochaine. Salut, salut.